Grenoble viennent toutes de Grenoble. Pourquoi la noix de Grenoble est-elle si bonne? Pourquoi? Est-il préférable de choisir une noix française?